À la demande, on se demande. Ça va changer. Est-ce que le rythme peut être mélodique? Mélodique. À lui seul. Thank you.